Lorsque s'éteint le plafonnier, quelques témoins sont relâchés. Monocrique ex-araignée, les camarades du plancher, tendres espions dans la nuit verte, confrères comme moi caressent les couleurs de l'éveil partiel. Cherche entre les dalles, les sommets souterrains glissants, l'appartement de numéro, repère des balayeurs dansant, la danse des masques dans la penderie et l'ascenseur des l'antiquaire officiel des mirages de Saint-Graal entre les draps, entre les draps. Et tous mes amis invisibles, les transparents, les inaudibles, à vous mes amis. Mes amis invisibles, ce que j'écoute entre les postes, théâtre ambiant souffleur en mémoire, les petits anges dans l'oreille gauche, téléphone rose des tours d'ivoire, avec moi par correspondance. D'aquarium, tous les marins aux yeux salés, perdus.